Un conducteur doit toujours s'efforcer de laisser un espace latéral et longitudinal entre sa voiture et les autres usagers. C'est une mesure de sécurité. Dans cet exemple, la vitesse maxi passe de 70 à 90 km/h. À 70 km/h, l'intervalle minimum entre deux véhicules doit être d'une quarantaine de mètres et d'une cinquantaine de mètres à 90 km/h. Ces intervalles ne sont pas du tout respectés ici, que ce soit à 70 ou 90 km/h, excepté ceux laissés par le motard qui suit. Plus on roule vite, plus la distance de sécurité doit augmenter. Je dois donc ralentir, puisque je ne peux pas envisager de dépasser maintenant. Réponse A.